Ah, mes amis. Comme je vous le disais hier, j'ai été avec Gunther, mon cousin, voire Vaid Halzic, l'entraîneur du PSG. Ah, il avait récemment lu le guide du management de mon cousin, il souhaitait plus de renseignements sur la méthode. Salut Vaid, ça roule? Ça roule mes couilles, oui! T'as vu jouer au PSG, fils de pute? Eux fait l'humiliation Vaid mardi soir, Parc des Princes. Oui, ben 3-0, ça va, hein, ça aurait pu être pire. Bon allez, je suis pas venu là pour ça. Je suis juste passé en coup de vent pour te présenter Gunther. Ah, parfait, moi être impatient comme prostituée tadjik. Où Gunther, cousin, toi être? Ah, il est là-bas, sur le parking. Il est en train de manger un pneu. Gunther! Gunther! Viens là, mon cousin. Oui, je sais, c'est bon, les pneus. Laisse-moi te présenter Coach Vaid, l'entraîneur du PSG. Chaussures. Oui, mais non, Gunther, tu manges pas les chaussures du monsieur. Si, Helmut, laisse faire Gunther. Vaid, vouloir faire plaisir. Ah, il est gentil, le monsieur, hein. Moi, vouloir poser question, maintenant. Ben, je crois que c'est le moment, Vaid. Allez, vas-y. Monsieur Gunther va être vouloir savoir si être bonne idée pour motivation joueur PSG, mutilation orteil. Testicule. Ah, mais bien sûr, raison, Gunther. Si on touche les pieds, pas pouvoir bien jouer. Testicule, meilleure idée. Gunther, grand stratège. Et quoi, Gunther, penser des tortures psychologiques avec famille joueur? Une heure. Quoi Gunther dire, Helmut, va il pas tout comprendre. Ben, il a dit que lui, la pression psychologique sur les familles, c'est son truc, hein. La preuve, en ce moment, ta femme, tes enfants sont attachés dans la cave de ta maison, et si tu vas pas chez le coiffeur pour te changer de coupe, il fait sauter à distance ta baraque dans une heure. Oh, magnifique, merveilleux! Oh, ça me rappelait la tchétchène attitude! Va y d'avoir trouvé son maître. Va y de partir tout de suite chez Jean-Louis David. Et voilà. Une fois de plus, Helmut et sa famille ont fait la différence. Bon, je vous laisse. Faut que j'amène Gunther chez le dentiste. Je crois qu'il a un bout de pneu coincé dans une dent creuse. Auf Wiedersehen.